الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا en traduction approximative du sens et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres endurerez-vous avec constance et ton Seigneur demeure clairvoyant c'est ainsi donc que comme vous le savez mes chers frères nous sommes éprouvés par les gens du Batil de tout genre parmi les koufars, les munafiqins, comme les rawafid, et les mubtadi'a, et les hizbiyin de différentes sortes. Et ceci est la sunna d'Allah Azza wa Jal sur ses prophètes et ceux qui les suivent. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. En traduction approximative du sens, et c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son noble livre aussi « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَعْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا » En traduction approximative du sens, c'est ainsi que nous avons assigné à chaque prophète un ennemi des diables, des shayatins d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Et ils s'inspirent trompeusement des paroles enjolivées pour attaquer les gens de la vérité et ternir ou tenter de ternir leur image. Et nous sommes éprouvés aussi par des gens affiliés à la salafiyya qui tentent de la détruire de l'intérieur juste par ta'assoub, fanatisme pour certains fautifs parmi les gens affiliés à la science et à la salafiyya. Et il fait partie de l'immense sagesse d'Allah Azza wa Jal qu'il a opposé le vrai au faux depuis la nuit des temps et il en sera ainsi jusqu'au jour dernier. Ceci pour éviter que la corruption ne se répande sur terre de manière irrémédiable. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين en traduction approximative du sens et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre la terre serait certainement corrompue mais Allah est détenteur des faveurs pour les mondes et il subhanahu wa ta'ala a décrété ce genre de fitaines dans lesquelles nous sommes et par lesquelles nous sommes éprouvés pour une grande sagesse, pour de grandes sagesses et parmi ces sagesses le fait de purifier les rangs, de purifier les, gens, les rangs des gens de la vérité et des gens de la sunna. قال الله عز وجل وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب En traduction approximative du sens, Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes, jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et c'est pour cela, mes frères, que vous voyez un grand nombre de ceux qui étaient connus pour être sur le bien, être dévoilés et tombés. Nasallallahu ala afiyah. Et donc Allah azawajal nous a opposés dans cette fitna à des gens qui suivent leur passion et qui se refusent à suivre l'épreuve et qui croient pouvoir éteindre le soleil en soufflant avec leur bouche. Et ils n'ont aucune preuve du kitab, ni de la sunna, ni de la compréhension des salafs et des imams de la umma. Mais malgré cela, ils n'ont pas la pudeur de se taire et viennent étaler leurs wasawis et leurs conjectures en public. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble livre, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا دَنَّا إِنَّ الدَّنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Et la plupart d'entre eux, en traduction approximative du sens, et la plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures, mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Et parmi ceux-là qui se sont érigés en défenseurs attitrés du Batil, le dénommé Souleymane El-Haïti du Québec, dont un frère nous a fait parvenir un audio récent dans lequel il s'obstine à nous accuser de ce dont nous sommes innocents, et ceci sans ramener la moindre preuve et le moindre argument valable. Voilà pourquoi nous allons tenter de réfuter les prétentions de cet individu, afin que la vérité soit éclaircie et que les salafis ne soient pas trompés par ces paroles sympathiques en apparence, mais qui en vérité ne sont que du talbis d'un fanatique maftoun. Nous allons donc répondre à ces conjectures. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Afin que, en traduction approximative du sens, afin qu'il fasse triompher, qu'Allah Azawajal fasse triompher la vérité et anéantisse le faux, en dépit de la répulsion qu'ont les criminels. وقال الله عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. وقال الله عز وجل وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بَلْ نَكْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَرُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. وَقَالَ اللَّهُ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Pour que, sur preuve, périsse celui qui périt, et que vive, sur preuve, celui qui vit. Et donc, Suleyman, hadahullah, il commence ses paroles, les paroles qu'il a dites, dans lesquelles il accuse injustement et attaque notre cher, sans aucune preuve, il dit... La compréhension, c'est que des gens comme Yahya al-Hajouri et ceux qui étaient avant lui, comme al-Halabi, accusent Cheikh Rabi al-Madkhali d'être la cause de la division et de la divergence qui arrive entre les salafiyins. Donc on a trouvé donc cette attitude-là chez al-Hajouri maintenant, et avant lui chez Ali al-Halabi. Ok? Et on a cette attitude-là qui est à deux extrêmes. Et Suleyman, dans cet audio, il a la mauvaise habitude de parler de manière vague. On a trouvé cette attitude, on ne sait pas exactement de quelle attitude il parle. Est-ce qu'accuser Cheikh Rabi, c'est une attitude en soi inconvenable ou détestable, on ne sait pas. Al-Muhim, dans cette parole, il y a des indices qui démontrent son exagération, et c'est le cas de ses semblables parmi les maftounines de cette fitna, son exagération au sujet de Cheikh Rabi', qu'il sanctifie donc à la manière des disciples soufis avec leurs chouyours. Ceci car on dirait donc à travers ces paroles que accuser Cheikh Rabi', c'est devenu un blasphème ou un péché ou une erreur de minhaj qui fait sortir de la salafia. Ou alors au minimum, pour lui, pour Souleyman, c'est une attitude inconvenable et détestable et blâmable dans l'absolu. Donc nous lui disons, est-ce que Cheikh Rabi', wafaqahullah, est au-dessus des adilla du Amr bin Ma'ruf wa Nahy anil Munkar? Est-ce que Cheikh Rabi', vous le considérez comme étant au-dessus des preuves appelant à interdire le blâmable et à ordonner le convenable? Cheikh Rabi', al-Madkhali, est-il pour vous intouchable au point où il soit interdit de l'accuser alors qu'on a des preuves? Nous nous disons que Cheikh Rabi', al-Madkhali, est la cause de la division de la da'wa salafia au Yémen et dans le monde à travers cette fitna dont il est le commanditaire. Et cette accusation, Cheikh Yahya l'a faite et il a des preuves et des témoins. Voilà pourquoi il s'est permis de rédiger des feuilles dans lesquelles il dit, et elles sont propagées sur son site, il dit, je cite la traduction pour ne pas prendre trop de temps, « Certes, nous ignorons ce qui pousse Cheikh Rabi' à semer la fitna dans la da'wa salafia au Yémen depuis de nombreuses années, en semant la zizanie entre ses prêcheurs avec de l'embrigadement et un esprit partisan pour celui-ci contre celui-là, avec des agissements surprenants dont nous aurions aimé qu'il s'écarte, qu'Allah lui accorde la réussite. Ceci car ces agissements sont éloignés, très éloignés de la manière d'agir des savants de la droiture qui s'attachent à ce que les croyants soient préservés des fitaines, le genre de savant dont nous considérons qu'il fait partie, incha'Allah. Ces agissements ressemblent plutôt à ceux des hommes politiques qui se basent sur le principe erroné, divisé pour mieux régner. Parmi ces agissements, le fait qu'il a commencé à monter les gens contre moi avant le soulèvement d'un élève de ce centre qui est Abdurrahman El-Adani, ainsi que tous ceux qui se sont soulevés contre nous et contre ce centre dans lequel ils ont été éduqués depuis l'époque de notre cher Mokbel Rahimahullah et après lui. Fin de citation. Et Cheikh Yahya, et ça c'est de moi, je rajoute, que Cheikh Yahya, mes frères, a dit au frère Khalil Abu Taymiyyah et au frère Jamal El-Maghribi Rahimahullah, qui me l'ont rapporté, que Cheikh Rabi' travaille secrètement contre lui depuis 10 ans environ. Depuis 10 ans, il complotait en douce et en public, il faisait des éloges sur Cheikh Yahya. Et de nombreuses personnes parmi les étudiants et les gens du village de Dammaj peuvent témoigner de cela, que lorsqu'ils allaient visiter Cheikh Rabi', dans une époque lointaine, il y a de cela 10 ans déjà, lorsqu'ils allaient visiter Cheikh Rabi', ils les montaient contre Cheikh Yahya en disant des paroles comme celles rapportées par Abu Malik al-Riyashi, écartez al-Hajouri du siège, c'est-à-dire la direction du centre de Dammaj, et que son remplaçant soit présent. Taïeb. Donc ça, c'est des paroles que Cheikh Rabi' ne peut démentir. Et c'est pour ça qu'il ne les a pas démenties. Et c'est pour ça que ces accusations-là qui sont sur le site de Cheikh Yahya, donc depuis plus d'un an que cette accusation claire est sur le site de Cheikh Yahya, et Cheikh Rabi' n'a ni nié ni réfuté ce genre d'accusation. Taïeb. Et Cheikh Yahya poursuit en disant, toujours dans le même dans les mêmes feuillets donc qui sont l'introduction à son premier conseil à Cheikh Rabi', il dit, je cite la traduction, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a confirmé ce complot lorsque nous sommes sortis en da'wa. Nous passâmes par El Hudayda et nous eûmes une assise chez lui, les machaires du Yémen et moi, c'est-à-dire l'imam, celui qui est surnommé l'imam, Abdelaziz El Bour'i Damari et Somali. Donc il dit, Cheikh Yahya, il évoqua ce sujet étant choqué que ceci provienne de Cheikh Rabi', et il affirma qu'il entendit lui-même Cheikh Rabi' dire écartez Al-Hajouri du siège, etc. Et dans cette assise, Cheikh Mohamed Al-Wasabi dit Cheikh Rabi' est un espion. Mohamed Abdel Wahab Al-Wasabi dit Cheikh Rabi' est un espion. Il fait l'éloge de tel dirigeant yéménite qui a un grand nombre de transgressions, et il ordonne d'écarter Cheikh Yahya du siège. Fin de citation. Donc, les nombreux témoignages qui ont été rapportés à Cheikh Yahya et dont il a parlé au frère Khalil et au frère Jamal, rahimahullah, ont été tamponnés et certifiés par Al-Wasabi en présence des machaires du Yémen, Mohamed Al-Imam, Al-Bur'i, Al-Damari, Al-Somali, que Cheikh Yahya a pris comme témoin. Et ceux-ci, mes frères, n'ont jamais nié ni réfuté cela. Et si Cheikh Yahya mentait sur ce point, il ne se serait certainement pas gêné de le réfuter et de démentir ses propos. Et donc Cheikh Yahya les a pris à témoin que Mohamed Abdel Wahab El-Wasabi a dit ces paroles en leur présence. Donc il a confirmé ce que des gens comme Abu Malik El-Riyashi, et d'autres étudiants ou gens du village de Damas avaient informé Cheikh Yahya que Cheikh Rabia disait de tels gens, ce genre de paroles, enlever, écarter Al-Hajouri du siège. Donc, ce complot a été aussi confirmé, je dirais ce complot aussi, il a été confirmé par la fatwa d'Ubayd al-Jaberi qui a demandé, qui a fait appel aux gens, il a fait appel aux toulab, dans sa fatwa, il a demandé aux toulab de partir de Damaj et les gens de Damaj à se soulever contre Cheikh Yahya et céder des autorités pour l'écarter du siège de dirigeant du centre de Damaj. Et donc, nous aimerions bien savoir quel est l'avis de Souleymane sur ce genre d'agissement. Parce que, jusqu'à présent, donc comme je l'ai dit, Cheikh Rabia n'a ni réfuté ces accusations qui sont sur le site de Cheikh Yahya. Vous voyez, depuis plus d'un an, nous aimerions donc savoir, est-ce que pour lui, c'est une attitude noble? Est-ce que pour toi, Ya Souleymane, c'est une attitude noble? C'est l'attitude de Ahl Sunnah wal Jama'a envers les gens de science de comploter contre eux et encourager la fitna afin de les écarter de l'endroit où ils enseignent le tawhid, la aqidah, le fiqh et la sunna authentique. Et pendant ce temps, Al-Jaberi envoie les gens de Jordanie vers Al-Halabi que tu critiques dans ton audio. Et il fait l'éloge de l'université d'Al-Azhar, l'université des gens de la bid'a d'Al-Azhar en Égypte. Et donc, cette accusation grave de Cheikh Yahya qui est sur son site depuis plus d'un an, Cheikh Rabia ne l'a jamais nié ni réfuté jusqu'à aujourd'hui car il sait très bien que Cheikh Yahya dit vrai et qu'il peut prouver ce qu'il dit. Il sait très bien que Cheikh Yahya dit vrai et qu'il peut prouver ce qu'il dit. Alors pourquoi un homme perdu dans un coin du Québec, comme tu le dis toi-même, se permet-il de parler de ce qu'il ne connaît pas? Es-tu plus jaloux, toi, de la réputation de Cheikh Rabia que lui-même? Es-tu plus jaloux, toi, de la réputation de Cheikh Rabia que lui-même et ceux qui l'entourent et le soutiennent? Et pour ta gouverne, il n'y a pas que cela dont Cheikh Rabia El-Matrali doit s'innocenter. Il doit aussi s'innocenter de la parole qu'El-Wassabi a rapportée au frère Ali Jardin, qui était un de ses proches, qui était un des proches d'El-Wassabi. Et dans laquelle El-Wassabi lui dit, il y a un centre qui va s'ouvrir et qui concurrencera Damaj sous la supervision de Cheikh Rabia El-Matrali. Ne le dis à personne. Ce n'est pas du complot ça? Hein? Ce n'est pas du complot. Dire, il y a un centre qui va s'ouvrir, ne le dis à personne, qui concurrencera Damaj. Il est où le qu'est-ce que Cheikh Rabia avait à reprocher à Cheikh Yahya à l'époque pour vouloir ouvrir un centre qui concurrencera Damaj, hein? Et nous citons nos hommes et nos sources, pas comme vous. Le frère Ali Jardin est là et il est prêt à appeler la malédiction sur celui qui ment entre lui et le Wasabi, qui n'a jamais d'ailleurs nié cette parole. Et le Wasabi lui-même n'a jamais nié cette parole. Et ceci s'est produit avant la fitna d'Abdurrahman al-Adani. Donc je te demande, Ya Souleymane, toi qui es bien informé et qui est bien renseigné, qu'est-ce que Cheikh Rabia El-Matrali avait à reprocher à Cheikh Yahya il y a 10 ans, pour agir de la sorte, et comploter contre lui de la sorte, et vouloir faire un centre qui concurrence Damaj? Quelles étaient les erreurs de Cheikh Yahya à l'époque, hein? En quoi donc Cheikh Rabia a été concerné par ce qui se passe ici, au Yémen, au point d'agir de la sorte? Réponds. Donc, clarifie-nous nos erreurs, Ya Souleyman, clarifie-nous nos erreurs, et réponds qu'on arrête de suivre El-Hajouri, comme tu le dis. Et je te rappelle le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'après Anas ibn Malik fi sahihayn, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous n'aura la foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et je te rappelle aussi le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari, ad-din an-nasiha. Donc clarifie-nous, la religion c'est le conseil. Donc clarifie-nous, conseille-nous ya Souleyman afin que nous délaissions al-Hajouri et que nous te rejoignions dans la voie droite sur laquelle tu prétends être. Et ce complot a également été confirmé par la fatwa d'Ubayd, donc appelant à se soulever contre notre cher, comme je l'ai dit. Et il y a aussi parmi les choses dont Cheikh Rabia doit s'innocenter, le fait d'être derrière le forum d'inconnus se cachant sous des pseudos, El-Wahyayn. Ça fait partie des accusations dont Cheikh Rabia El-Matrali doit aussi s'innocenter. Le fait d'être derrière le forum d'inconnus, hein, ou d'avoir été derrière le forum d'inconnus se cachant sous des pseudos, ce forum qui s'appelle El-Wahyayn, alors qu'il critiquait auparavant Faleh El-Harbi et les Haddadi pour cette façon d'agir, et lui-même en faisait un argument prouvant leur lâcheté, leur défaite et leur sentiment d'être sur le faux, comme dans son livre El-Majmou'ul-Wadih Firad Minhaj wa usul Faleh, en page 352. Donc, cette accusation, cette fois, ne vient pas de nous. Cette accusation, elle a été prononcée par Mohamed al-Raymi, surnommé l'imam, qui l'a dit dans un audio qui est disponible. Et Cheikh Rabia n'a jamais ni nié, ni réfuté cela depuis l'époque. Donc, Cheikh Rabia lui-même n'a jamais ni nié, ni réfuté cela depuis l'époque. Et pourtant, c'est une accusation très grave. Car comment quelqu'un qui blâmait durement des Hizbiyyin, les partisans de Faleh, qu'on appelle des Haddadi, il les blâmait durement, et aujourd'hui il se retrouve à faire la même chose qu'eux. Donc, Cheikh Rabia al-Matrali est-il au-dessus du fait de se justifier et de s'innocenter de telles accusations? Nous attendons une réponse. Cheikh Rabia al-Matrali est-il au-dessus du fait de se justifier et de s'innocenter de telles accusations? Alors que même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est innocenté de la mauvaise opinion que Shaytan aurait pu insuffler à certains de ses compagnons lorsqu'ils le virent de nuit avec une femme et qu'il dit « Inna as-Safiyya, Inna as-Safiyya, c'est Safiyya ». Donc il leur dit que c'était sa femme Safiyya. Donc Cheikh Rabia al-Matrali, lui, est-il au-dessus de devoir se justifier et de devoir s'innocenter d'accusations claires? Et j'aimerais que des maftounines comme Souleymane nous disent quel est leur avis. Est-ce que Cheikh Rabia a le droit de faire ce qu'il reproche aux autres et ce pourquoi il blâme les autres? Qu'ils nous répondent. Est-ce que quand c'est Faleh et ses partisans, la chose est blâmable, et quand c'est Cheikh Rabia et ses fanatiques, cela devient acceptable? Réponds, ya Souleymane, réponds. Je te rappelle le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman qui a dit Ad-dalala haqq ad-dalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. L'égarement, le véritable égarement est que tu reconnaisses ce que tu blâmais et que tu blâmes ce que tu reconnaissais. Donc cette attitude qui est d'accuser Cheikh Rabia d'avoir divisé la da'wa à travers cette fitna dont il est le commanditaire, c'est une attitude salafiya. Naam, c'est une attitude salafiya, car nous avons des preuves qui font que nous ne pouvons pas fermer les yeux parce que c'est Cheikh Rabia. Cette da'wa, c'est la da'wa d'Allah Azzawajal, et il n'est pas permis de la diviser comme cela. Il n'est pas permis de la diviser comme cela, quelles que soient les motivations. Et à partir du moment où Cheikh Rabia lui-même n'a ni nié, ni réfuté ces accusations, ceci ne fait qu'augmenter la certitude que ces accusations sont fondées. Car sinon, pourquoi Cheikh Rabia réplique-t-il à Ali el-Afari, l'élève de Cheikh Yahya? Et pourquoi réplique-t-il à Cheikh Youssouf el-Jazairi, l'élève de Cheikh Yahya? Et pourquoi réplique-t-il et réfute-t-il les accusations d'El Halabi? Et lorsque c'est El-Hajouri qui l'accuse, il ne réfute pas et garde le silence face à d'aussi graves accusations et se contente de parler sans preuve dans des assises privées. Aurais-tu une réponse, ya Souleymane? Et il aurait été mieux que tu ajoutes une précision importante en disant « accuse injustement, accuse à tort », puis que tu cites les arguments prouvant que les accusations contre Cheikh Rabia sont infondées au lieu de parler comme tu l'as fait, car ceci peut amener l'auditeur à penser qu'il n'est pas permis de manière absolue d'accuser Cheikh Rabia al-Matrali et que ceci est une attitude contraire aux nobles attitudes que le salafi doit avoir. Et ceci est une exagération sur la personne de Cheikh Rabia. C'est une exagération claire sur la personne de Cheikh Rabia. Et elle me fait penser à la parole du docteur Al-Bukhari qui disait « Man lam ya'khud bi nasihati Cheikh fa huwa atim. » Celui qui ne prend pas la nasiha de Cheikh Rabia est pécheur. Subhanallah. Yani Cheikh Rabia est-il un prophète pour que rejeter sa parole devienne un péché? Je crains que vous ne soyez comme Souleymane ibn Yusuf ibn Muflih. Souleymane ibn Yusuf ibn Muflih qui a dit كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. أعتقد أنه كفر. Lorsque j'entendais quelqu'un dire النووي a fait erreur, j'avais la croyance que cela est de la mécréance. Donc vous, lorsque vous entendez quelqu'un dire Cheikh Rabia a fait erreur, que Ubayd a fait erreur, pour vous c'est de la haddadiya, c'est une bid'a. Ça c'est du rouleau, c'est de l'exagération. Ça c'est du rouleau, le rouleau, c'est l'exagération dont vous mettez en garde sans apporter de preuves, vous tombez dedans sans vous en rendre compte. Et tu accuses injustement notre cher dans cet audio de ne pas avoir de respect, de ne pas avoir de respect envers les ulama de la sunna. La position extrême, l'autre extrême, c'est la position de, comme on a expliqué, de Faleh al-Harbi et de d'autres, comme maintenant, qu'est-ce qu'on a vu apparaître de la part de Yahya al-Hajouri et d'autres, c'est de n'avoir pas de respect envers les ulama d'Ahl-Sunnah. Doit-on te rappeler, ya Souleymane, que dans notre religion, celui qui accuse doit apporter des preuves. قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي. Celui qui prétend doit apporter la preuve. C'est à celui qui prétend d'apporter la preuve. Donc nous te demandons pour quel savant de la sunna notre chair n'a pas de respect. Pour quel savant de la sunna notre chair n'a pas de respect, ya kadhab. Donc tu n'as pas honte de mentir sans pudeur. Cite-nous donc ces savants. Cite-nous ces savants pour qui Cheikh Yahya n'a pas de respect. Si tu veux parler d'Ubayd al-Jabiri, al-Bukhari, al-Wasabi, et certains de ceux qui soutiennent le Hizb al-Adani, ce sont eux qui ont commencé à attaquer notre cheikh et à l'insulter et à le dénigrer, comme l'a fait Ubayd al-Jabiri. Ubayd al-Jabiri, c'est lui qui a commencé donc à insulter notre cheikh dans l'affaire de l'université de Médine. Et les paroles s'en vont et les écrits restent. Les écrits sont encore disponibles et certains audios aussi sont encore disponibles. N'est-ce pas al-Bukhari de Médine qui a commencé à insulter dans sa cassette secrète dans laquelle il dénigrait Cheikh Mokbel et ses élèves? N'est-ce pas al-Wasabi qui a commencé à dénigrer notre cheikh dans des conférences ici au Yémen? Lorsque notre cheikh répond en application de la parole d'Allah Azzawajal, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima. En traduction approximative du sens, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. On comprend de cette parole qu'exception est faite pour celui qui a été injustement provoqué et qui a donc une excuse valable pour proférer de mauvaises paroles. De même que la parole d'Allah Azzawajal, فَمَنْ اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Donc lorsque notre cheikh répond à ces insultes et à ces attaques injustes en application de ses preuves, il ne respecte pas les savants, il insulte les savants et tout, vous commencez à donc l'accuser de ce genre de choses sans preuve. Cher Al-Fawzan, pour vous n'est-il pas un savant de la sunna? Hein? Ma'alakum, kayfa tahkumun? Savez-vous donc? Comment jugez-vous donc? Cher Al-Fawzan, n'est-il pas pour vous un savant de la sunna? Est-ce que notre cher lui a manqué de respect? Cher Al-Abbad, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Est-ce que notre cher lui a manqué de respect? Cher Al-Haydan, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Est-ce que notre cher lui a manqué de respect? Cher Al-Suhaymi, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Donc dites-nous, quels sont ces savants à qui notre cher a manqué de respect? Cher Al-Ethiopie, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Cher Al-Rajihi, le Mufti, Abdelaziz Ali Cher, ne sont-ils pas des savants de la sunna pour vous? Est-ce que notre cher leur a manqué de respect? Ou bien les savants de la sunna pour vous, ce ne sont que ceux pour qui vous vous fanatisez et que vous sanctifiez? Toi, tu viens avec des paroles vides et tu accuses sans preuve, comme tes compères, sous prétexte de respect de vos savants à vous. Pour vous, on dirait que pour vous, il n'y a que... les 4 ou 5 savants que vous sanctifiez et sur qui vous exagérez hein, et pour qui vous vous fanatisez qui méritent le respect. Pourquoi n'as-tu pas défendu un imam de la sunna comme Cheikh Mokbel lorsqu'Al Bukhari l'a dénigré hein? Pourquoi n'avez-vous pas défendu un imam de la sunna? Ou bien pour vous vous ne considérez pas que Cheikh Mokbel soit un savant de la sunna? Pourquoi, si vous considérez donc que Cheikh Mokbel est un savant de la sunna, pourquoi ne l'avez-vous donc pas défendu lorsque le dénommé Al-Bukhari de Médine l'a dénigré? Pourquoi n'as-tu pas défendu l'imam Shu'aba ibn al-Hajjaj lorsqu'Ubayd l'a dénigré? Pourquoi ne défends-tu pas l'imam Hisham ibn al-Raz lorsque Cheikh Rabi al-Madkhali le dénigre? Pourquoi n'as-tu pas défendu Cheikh al-Najmi, Cheikh al-Fawzan et d'autres lorsque Al-Wasabi les a dénigrés en les traitant d'employés et d'espions? Ou bien est-ce que vous ne considérez pas ceux-ci comme étant des savants de la sunna? Pour vous, les savants de la sunna, ça se résume à Ubayd, Mohamed ibn Hadi, Al-Bukhari, Cheikh Rabi, et c'est tout. Hein? Ou Al-Wasabi, et autres. Pourquoi donc ne défendez-vous pas ces imams? Pourquoi ne défends-tu pas les imams Al-Albani, Ibn Baz, lorsque le fils de Cheikh Rabi les dénigre? Pourquoi ne défends-tu donc pas l'imam Ibn Taymin, lorsque Ahmed Bazmoun le dénigre? Explique-nous donc cette façon de s'énerver et de faire beaucoup de bruit lorsqu'il s'agit de Ubayd. Et lorsqu'il s'agit d'imams qui sont morts sur la sunna et donc qui sont reconnus comme des imams par tous les salafis du monde entier, là c'est le silence total. Hein? Est-ce que pour vous il n'y a que vos 4 ou 5 savants préférés à qui pour qui vous vous fanatisez qui méritent le respect et la considération et les honneurs et pas les autres? Vous ne vous fâchez et vous n'avez de la jalousie que lorsqu'il s'agit de votre imam Ubayd al-Jabiri. C'est ça. L'erreur pour vous n'est qu'une erreur si vos 4 ou 5 savants préférés le disent. Donc, expliquez-nous ce minhaj nouveau sur lequel vous êtes. On a envie de comprendre. on a envie de comprendre ce minhaj qui fait que lorsqu'il s'agit d'imams reconnus, on se tait, on garde le silence, et lorsqu'il s'agit de Boubed al-Jaber et qu'il y a des erreurs claires, on sort des audios, on parle, on fait des conférences, des séminaires. Hein? Et Souleyman, dans le même audio, il dit les paroles suivantes. Même si tu considères qu'un savant parmi les ulama d'Ahl-Sunnah ont fait des erreurs, il y a une manière de les réfuter, il y a une manière de les corriger, il y a une manière de leur répondre. Alors, ces paroles sont véridiques. Il y a une manière de répondre aux savants de la Sunna. Il y a une manière de répondre, de corriger leurs erreurs, ou il y a une manière de les réfuter. Ce sont des paroles authentiques. Et la manière, c'est de leur répondre, c'est-à-dire tu corriges, tu réponds à l'erreur, tu corriges l'erreur, tu réfutes l'erreur, mais tout en gardant l'honneur et le respect de ce savant-là. Je dis ces paroles-là, dans ces paroles-là, Souleymane, donc il nous ressort la règle ikhwaniya de Moumayya, Adnan Arour, Ali Hassan al-Halabi et Abul Hassan, qu'on trouve dans le livre Al-Ibana, donc qui consiste à dire qu'il faut pas, on corrige, on ne critique pas. On corrige. Tu corriges juste l'erreur, mais la personne, ma'alek minho, yani la personne, tu t'occupes pas de son cas. Même s'il persiste sur l'erreur, après avoir été conseillé, c'est pas grave. Donc lui, tu t'occupes pas de son cas, juste tu corriges l'erreur. Donc ça, c'est la règle ikhwaniya, la règle sur laquelle des savants comme Cheikh Rabia ont répliqué. Et c'est la règle qui se trouve aussi dans le livre d'Ali Hassan al-Halabi et qui se trouve aussi dans Al-Ibana, donc de Muhammad, surnommé Al-Imam. Et donc dans cette règle, pour eux, on corrige, on ne critique pas, on conseille, on ne dévoile pas, ou encore on corrige et on ne démolit pas. C'est-à-dire que la personne, quoi qu'il en soit, même si elle persiste sur son erreur, quoi qu'il en soit, il n'est pas permis que tu mettes en garde contre lui, que tu le blâmes, que tu demandes que les gens s'écartent de lui. Il reste comme ça, sunni à vie, même si on lui a clarifié son erreur grave et qu'il persiste dessus. Et ceci est une erreur. Et donc nous avons déjà réfuté cette erreur dans différents articles qui se trouvent sur notre site. Et il y a, pour répondre à cette erreur-là, le fait de dire qu'on corrige l'erreur et on ne s'occupe pas du cas de la personne, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit au compagnon Abu Dhar, radiallahu an, innaka mur'un fika jahiliya. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es un homme qui a de la jahiliya. Parce qu'Abu Dhar, il avait fait une erreur, donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé. Et il lui a dit cette parole dure. Et donc ce n'est pas juste, on corrige l'erreur, ça dépend. Il n'est pas de manière générale interdit de blâmer la personne qui fait une erreur, même si c'est quelqu'un de la sunna. Il n'est pas interdit de blâmer une personne durement, même si c'est quelqu'un de la sunna. Et nous avons déjà, dans la première réplique à Souleymane, apporté les preuves de cela et cité les paroles des salafs. Citer des exemples et même des paroles de Cheikh Rabia al-Matrali sur ce sujet. Et donc la personne qui souhaite y revenir à la première réplique qui a été faite à Souleymane sur ce cas, sur le fait qu'il n'est pas interdit de manière générale et absolue de blâmer un savant ou de le critiquer durement, parce que des savants comme l'imam Ahmed, des imams comme l'imam Ahmed, ils l'ont fait. Ils ont critiqué durement des gens de la Sunna, des gens qui étaient affiliés à la Sunna, et ils les ont critiqués pour des erreurs qui sont considérées ou qui seraient considérées aujourd'hui comme des petites erreurs. Et donc, qu'est-ce que Souleymane donc va dire de ces imams-là, où encore on a cité des paroles sur le fait que les savants de la Sunna dans le passé, les salafs, donc ils ont critiqué des gens très durement, comme par exemple Abu Hanifa, et ils ont été à l'extrême dans la critique de celui-ci. Et on lui a cité aussi comme dalil, le hadith qui est dans Sahih Muslim, dans lequel il est dit qu'Ibn Omar radiallahu anhu, il insulta son fils lorsqu'il dit à son fils qu'il n'est pas permis de s'opposer au fait que les femmes aillent au masjid, et celui-ci lui dit nous les empêcherons. Et donc il est rapporté dans Sahih Muslim qu'il insulta son fils d'une insulte grave. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire de ces hadiths là qui montrent donc que la personne, par jalousie pour la religion d'Allah Azzawajal, il lui est permis qu'il critique durement quelqu'un, même si c'est un savant de la sunna ou un imam de la sunna, il lui est permis de critiquer durement cette personne. Et il y a des paroles, il y a d'autres paroles et d'autres arguments, d'autres paroles d'imams de la Sunna, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou autres, sur ce sujet. Sur le fait que ce n'est pas de manière absolue qu'il faut avoir de la douceur. Il y a la douceur. La douceur, elle doit être. À partir du moment où la dureté, elle est fait, elle est à un endroit où elle est faite, à un moment opportun, il n'y a pas de blâme sur la personne qui fait preuve de dureté. Lorsqu'il y a une erreur et que la personne blâme cette erreur durement par jalousie pour la religion d'Allah Azzawajal, il n'est pas blâmable pour cela. Al-Muhim, il faut revenir donc à cette première réplique qui a été où donc ce genre d'ambiguïté a été réfutée, et Souleyman ici il nous revient donc avec les mêmes paroles, comme si de rien n'était, alors qu'il n'a pas pu faire une réplique scientifique valable, authentique, aux arguments que nous avons exposés donc dans cette première réplique. Et la manière, c'est de leur répondre, c'est-à-dire tu corriges, tu réponds à l'erreur, tu corriges l'erreur, tu réfutes l'erreur, mais tout en gardant l'honneur et le respect de ce savant-là. Donc dans ces paroles-là, Souleyman, donc, il reconnaît qu'on peut corriger les erreurs des savants, et y répondre, et les réfuter. Et ceci est très bien. Maintenant, il faut regarder la mise en pratique de ces paroles. أَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous recitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Pourquoi toi et tes semblables vous passez sous silence les erreurs des Jabiri? Pourquoi ne les réfutez-vous pas et ne les corrigez-vous pas avec respect et politesse comme tu y appelles dans ton audio? Pourquoi passez-vous sous silence les erreurs du livre de Tamir al-Iban? Pourquoi ne réfutez-vous pas ces erreurs et ne les clarifiez-vous pas avec politesse tout en gardant l'honneur et le respect de l'imam? Pourquoi ne clarifiez-vous pas ces erreurs? Pourtant, Cheikh Rabi'a lui-même a dû reconnaître lorsqu'El Hadabi, Cheikh Rabi'a lui-même, dont, que vous prétendez suivre et dont vous prétendez prendre les conseils, lui-même a dû reconnaître lorsqu'El Hadabi l'y a contraint que ce livre est semblable et que l'imam y a imité El Hadabi dans ses usuls, dans ses fondements. Il a donc dit dans une de ses répliques à El Hadabi qui est disponible sur Internet sur le site Sahab, que donc l'imam il a fait l'erreur d'imiter Al-Halabi donc dans ses fondements, c'est-à-dire dans ses erreurs. Et malgré cela, jusqu'à aujourd'hui, c'est le silence total. Aucun d'entre vous ne met en garde clairement, ouvertement contre ce livre. Parce que pour vous, il faut attendre que l'ordre vienne d'en haut, je ne sais pas ce que vous entendez, mais on voit que vous êtes tous jusqu'à présent silencieux face à un livre qui comporte des erreurs graves et qui est un livre d'égarement et qui s'est propagé à des milliers d'exemplaires à travers le monde, mais on reste silencieux parce que c'est l'imam, et que même si Cheikh Rabi'a a parlé vite fait pour se sortir d'une situation difficile dans laquelle Al-Halabi l'avait mis, il n'a pas encore fait de mise en garde claire. Et c'est vrai, Cheikh Rabi'a n'a pas encore fait, et c'est son devoir. Après, surtout que ce livre-là, et ça fait partie aussi des erreurs sur lesquelles Cheikh Rabi'a doit se justifier et s'innocenter, c'est le fait que ce livre-là, son nom a été associé à ce livre pendant des années, et il s'est tu, alors que son nom était associé, ils ont même propagé comme quoi Cheikh Rabi'a avait fait la préface du livre, où il a mis des annotations dans le livre, et ceci, cela. Son nom a été associé à ce livre d'égarement pendant plus de 2 ans, et il était silencieux. Jusqu'à aujourd'hui, aucune réplique claire pour clarifier aux gens donc les égarements qu'il y a dans ce livre, alors que lui-même maintenant a reconnu qu'il y a les mêmes égarements que ceux de Ali Hassan al-Halabi. Mais on a compris l'objectif, c'est de ne pas montrer aux gens que les gens de Dammaj avaient raison lorsqu'ils ont critiqué le livre, et donc ils ont été clairvoyants sur les erreurs qu'il y a eu dans ce livre, et donc les gens vont comprendre que les gens de Dammaj ne parlent pas par passion, mais ils parlent avec des hadillas clairs du livre de la Sunna. J'aimerais savoir aussi pourquoi vous ne réfutez pas les erreurs de Ferkoz, par exemple, hein, les erreurs de faire cause qui sont énormes, on les garde sous silence. Pourquoi les gens, et Annie, les gens du respect, de la politesse et de la douceur, les gens qui prétendent avoir la bonne attitude envers les gens de science, comme vous, pourquoi vous ne conseillez pas faire cause, par exemple, d'arrêter de travailler dans la mixité, d'arrêter de se mélanger aux minettes, tout en gardant son honneur et son respect? Pourquoi donc le silence sur des choses qui sont graves, des choses qui sont graves, où les limites d'Allah Azzawajal sont transgressées, et on se tait parce que c'est cher faire cause, et parce qu'il a des tesquillas de foulan et foulan, et on ferme les yeux sur ses erreurs. Mais quand c'est les autres, et on tombe sur eux comme si c'était une erreur qui fait, subhanallah, sortir la personne de l'islam ou je ne sais quoi. Et donc, nous aimerions bien avoir la mise en application de ces paroles que Souleymane dit et prononce, et dans lesquelles il dit qu'il faut réfuter, faut corriger. On corrige, on réfute tout en gardant le respect et l'honneur. Où sont vos réfutations? Où sont vos réfutations face à toutes ces erreurs qui sont propagées et qui sont sur les sites internet, où les cassettes se propagent, les livres se propagent dans le monde entier, et on se tait parce que on n'a pas eu l'autorisation de parler. Nous, on sait que dans cette fitna, c'est l'application de la règle ikhwaniya, nata'awan fima tafakna fi wa yudar ba'duna ba'dan. Nous nous entraînons dans ce sur quoi nous sommes en accord, et nous trouvons des excuses les uns aux autres dans ce sur quoi nous divergeons. C'est exactement la raison pour laquelle on se tait sur les erreurs des gens qui sont dans notre camp, et quand c'est les autres, on leur tombe dessus de manière acharnée, et de manière même quand il n'y a pas d'erreur, on essaie de trouver des erreurs même là où il n'y a pas d'erreur, comme c'est le cas avec Cheikh Yahya ou avec le Adan du calife Othman, ou encore le fait de dire qu'il insulte les Sahaba, ou ce genre d'ambiguïté et de mensonges qui ont été propagés par Arafat. Et donc on essaye de trouver des erreurs là où il n'y en a pas. Mais quand il y a des erreurs claires, on ferme les yeux. Lorsque par exemple c'est le Halabi, on le blâme, on le critique durement, on sort des livres pour lui répliquer. Lorsque c'est le surnommé l'imam qui est dans notre camp, on ferme les yeux. Lorsque c'est Fahal al-Harbi et ses partisans qui écrivent sous des pseudos, on les blâme. Et lorsque c'est Arafat et nos partisans, on ferme les yeux. Lorsque c'est Cheikh Yahya qui fait une erreur dans une fatwa sur les Rawafid, sur laquelle il est revenu, on dit qu'il doit faire tawba ou être tué. Et lorsque c'est l'imam qui fait pire que cela sur le mimbar, on ferme les yeux. Et on accuse injustement Cheikh Yahya et ses élèves de critiquer les compagnons. Et lorsque c'est Al-Wasabi et Ubaid qui le font clairement, on ferme les yeux. On accuse injustement Cheikh Yahya de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'El Jabiri dénigre clairement le prophète Youssouf, on ferme les yeux. On accuse injustement Cheikh Yahya de côtoyer les Hizbiyyin, comme El Halabi et Abul Hassan, qui viennent lui présenter leur condoléances pour son fils, pour la mort de son fils. Et lorsqu'El Wasabi côtoie les Hizbiyyin et va faire des conférences dans leur mosquée et fait préfacer son livre par eux, on ferme les yeux. On accuse injustement Cheikh Yahya et ses élèves de dénigrer les savants. Et lorsque ce sont les gens de notre Hizb qui dénigrent des imams, comme l'imam Ibn Baz, l'imam Al-Albani, l'imam Ibn Taymin, l'imam Mokbel Ibn Hadi, on ferme les yeux. On accuse les élèves de Cheikh Yahya d'exagération sur sa personne. Et on essaie de blâmer durement un poète qui a fait tawba sur sa parole, l'imam des hommes et des djinns. Et on en fait tout un cinéma. Et lorsque ce sont les élèves de Cheikh Rabi' qui font la même chose, et même pire, en appelant les gens à obéir à Cheikh Rabi' et à le suivre dans ses conseils, et à s'y cramponner avec les molaires, comme si les conseils de Cheikh Rabi' sont l'équivalent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là c'est le silence total. Et lorsque des poètes lui donnent des attributs d'Allah, du shirk, mes frères, du shirk billah, ils lui donnent des attributs d'Allah, des attributs d'Allah azawajal, dans des poèmes, ils donnent à Cheikh Rabi' al-Matrali des attributs d'Allah azawajal, comme par exemple le Hadi, où ils disent par exemple qu'il n'a pas de semblable, que personne ne peut soigner en dehors de lui, qu'il a une patience parfaite, complète. Là, on ferme les yeux, c'est beaucoup moins grave. On devient aveugle, sourd et muet. Où en êtes-vous donc de la parole d'Allah Azzawajal? Ya ayyuhalladhina amanu, kunu quwwamina bilqist, shuhada lillah, walaw ala anfusikum aw lilwalidayni wal aqrabin, in yakun ghaniyan aw faqiran, fallahu awla bihima, fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha كان بما تعملون خبيرا. en traduction approximative du sens, ô vous les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ensuite, Souleyman, il dit... Et qu'est-ce qu'on remarque de la part de ces gens qui ont cette tendance de haddadiyya? C'est que lorsqu'ils considèrent qu'un savant a fait une erreur, et des fois c'est des questions d'ijtihad, ça rentre pas dans le manhaj, ça rentre pas dans la aqida, ou ça rentre pas dans les questions qui ont rapport avec ça, eux, du moment qu'ils ont une erreur dans quelque chose, même des questions d'ijtihad parfois, ils vont prendre des positions vis-à-vis des ulama qui ont des positions différentes à leur position, et ils vont les traiter comme des innovateurs. Ils vont les critiquer, ils vont les dénigrer, ils vont les insulter, ils vont les traiter de surnoms pour les rabaisser, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas l'attitude d'Ahl Sunnah wal Jama'a avec les ulama. Mais qu'est-ce qu'on remarque de la part de ces gens qui ont cette tendance de haddadiyya? Ça, c'est devenu un mot à la mode. On dit haddadiyya, on n'arrive pas à prouver ce que c'est, on ne sait même pas ce que c'est. On fait des conférences, des séminaires, haddadiyya, haddadiyya. C'est devenu un slogan. Taïeb, déjà, premièrement, je me dois de répéter à Souleyman d'être précis dans ses propos. Il faut que tu apprennes à détailler, à clarifier, à préciser tes paroles et à délaisser cette manière de généraliser et d'être vague dans tes propos que tu as. Et ceci est la manière d'agir des gens de l'innovation, de la hizbiya et des passions. C'est la façon de faire de Ashab al-Shubuhat, des gens des ambiguïtés. Et Shia Rabi, que tu prétends suivre et pour qui tu te fanatises, il dit dans une réplique qu'il a faite donc à Abul Hassan, qui s'intitule Ibtal Maza'im Abul Hassan, il dit donc Shia Rabi, Wal Ijmal wal Itlaq huwa silahu ahli al-ahwa wa minhajuhum wal bayan wa tafsil wa tasrih. Généraliser, globaliser, c'est l'arme des gens des passions et leur minhaj et leur voix. Et la clarification, le fait de détailler et d'être direct, c'est la voix des gens de la sunna et du haq. Et notre cher Yahya, hafizahullah, il dit: الحزبيون يعطون بألفاظ مجملة. Les hizbiyin viennent avec des paroles, des termes généraux. Et Cheikh Saïd Ibn Daas, rahimahullah, il dit dans sa risala, Al-Khulasa al-Salafiyya fi hukm hamil mujmal ala al-mufassal, il dit: Walida kana al-ijmal min a'dami aslihat من أعظم أسلحة أهل الباطل في إفساد عقائد الناس. Et c'est pour cela que le fait de généraliser est devenu parmi les armes les plus redoutables des gens du batel, des gens du faux, dans le fait de corrompre la croyance des gens. Donc, je me dois de te répéter à Souleyman de ne pas ressembler aux hizbiyyin, aux gens des passions et aux gens En même temps, je ne suis pas étonné parce que tu fais partie des gens des passions et des gens des shubuhat. Donc c'est pour ça donc, que tu emploies ce genre de paroles, de termes généraux, et parce que tu es incapable de détailler, parce que tu es incapable d'amener des preuves. On dirait qu'ils sont arrivés, ces personnes-là, à un stade où les gens maintenant, ils gobent leurs paroles et n'ont plus besoin de citer de preuves pour justifier leurs arguments. Il vient et il déballe sa philosophie et il n'a pas besoin de nous amener des arguments, des paroles des salaf ou d'imams qui l'ont précédé dans ses arguments, dans les arguments qu'il expose, dans les arguments ou plutôt dans la philosophie qu'il nous expose. Et ces paroles, les paroles de Souleyman dans cet audio correspondent à ce que Cheikh Rabi' dit concernant des écrits de Cheikh Bakar Ouzaid. Il a dit ça dans un de ses écrits qui s'appelle El Haddul Fasil, en page 7. Et donc, Cheikh Rabi', il avait dit concernant des écrits de Cheikh Bakar Ouzaid, قد تعمد صاحبها الإجمال والإطلاق كما هو شأن كل ناصر للباطل مدافع عنه تعيه الأدلة ويعجز النقد العلمي الصحيح ويعجز عن النقد العلمي الصحيح ومقارعة الحجة بالحجة فيلجأ إلى التمويه والإجمال والغمغمة ولا يفرح بهذه الأساليب إلا الغثاء الذين لا يدركون هوان الباطل وَحَقَارَتِهِ وَلَا يَدْرِكُونَ قِيمَةَ الْحَقِّ. Donc, cher Rabi', dans ses paroles, il dit, et ceci correspond très bien à cette manière de procéder qu'a Souleyman, il dit, l'auteur, leur auteur, a fait exprès de généraliser et globaliser, comme c'est la manière de procéder de tout partisan et défenseur du faux. Il est affligé par les preuves, les adillah, et il est incapable de faire une critique scientifique authentique et de s'opposer à la preuve par la preuve, et il se réfugie vers le camouflage, les généralités et des propos incohérents. Ne se réjouit de ces procédés que les pauvres gens qui ne saisissent pas l'avilissement du faux et son caractère méprisable et ne saisissent pas la valeur du haq. Et donc, Souleyman étant incapable, fin de citation, donc ici s'arrête la traduction de la parole de Cheikh Rabi', que Souleyman prétend suivre et dont il prétend prendre les conseils. Il prétend faussement prendre les conseils. Et donc, Souleyman étant incapable, ces paroles correspondent bien à l'attitude de Souleyman, car Souleyman étant incapable de répondre et d'invalider nos arguments avec une critique scientifique authentique, et étant incapable de prouver ses accusations envers notre chair, il se cache et se camoufle et se réfugie derrière ce procédé des gens des passions avec des paroles générales du genre les ulama de Ahl-Sunnah, des ulama, des erreurs, des positions, des questions d'ijtihad, des questions qui sont en rapport avec ça, une erreur dans quelque chose, les problèmes, des réconciliations. Des questions d'ijtihad. Dans les questions qui ont rapport avec ça, une erreur dans quelque chose, même des questions d'ijtihad, parfois, ils vont prendre des positions différentes à leur position, contrairement à ce que les salafs ont mentionné, les ulama d'Ahl-Sunnah. Et des ulama qu'un savant a fait une erreur, des erreurs, et les problèmes, des réconciliations entre eux, puis ils essaient de régler les problèmes, et ils attaquent les ulama. Ils attaquent les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Ce genre de termes généraux, où on ne sait pas exactement qui il vise, où il veut en venir, exactement qu'est-ce qu'il reproche. Hein? Donc il garde des termes généraux comme ça pour se préserver. Parce qu'il sait très bien, ce frère, qu'il ne peut venir avec des arguments valables. Et donc il se réfugie derrière ce genre de termes généraux pour éviter d'étaler sa faiblesse scientifique et son jahl murakkab, et éviter qu'on ne dévoile cela aux gens. Et donc c'est pour ça qu'il sait très bien qu'il ne peut pas venir avec... c'est qui ces ulama? Ya akhi, cite-nous quels sont ces ulama, quelles sont ces erreurs, quelles sont ces positions, quelles sont ces questions d'ijtihad, quels sont ces problèmes. Précise, détaille, cite des noms, des exemples, et ensuite cite-nous les preuves du livre de la sunna et les hadiths des salaf et les paroles des savants qui appuient et prouvent ce que tu dis. C'est ça le minhaj salafi, et la manière authentique de critiquer et mettre en garde contre un ou des individus. Donc épargne-nous, ya Souleyman, ta philosophie, ton idéologie et les paroles sorties de ton cerveau qui n'ont aucun poids. Arrête d'être hésitant et mou comme tu l'es dans tes positions. Défends ta position avec courage et ferveur, et sois franc, direct, clair, net et précis, et arrête de tourner autour du pot comme tu le fais. On pensait avoir en face de nous des gens qui peuvent tenir une monakasha ilmiya, pas des gens qui se cachent et se dérobent et fuient le débat scientifique, et des gens qui disparaissent pendant une période et reviennent ensuite avec les mêmes sottises auxquelles nous avons déjà répondu et que nous avons réfutées avec preuve. Dis-nous, vous avez dénigré et insulté tel savant de la Sunna qui a fait telle erreur, et cette erreur fait partie des questions d'ijtihad, comme le prouve tel argument, et ensuite on pourra discuter et débattre. Les arguments scientifiques, c'est ça qui différencie le débat scientifique des discussions de comptoir, et c'est ça qui différencie les prêcheurs, les toulabs et les gens de science des gens du marché et des awam. Ya akhi, parle-nous avec précision et science ou tais-toi. Apprends à nous exposer les choses de manière précise et détaillée, surtout quand tu accuses et que tu blâmes, car c'est cela la voie des salafs prouvée par des adillah du kitab de la sunna, comme la parole d'Allah azawajal, wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. En traduisant approximative du sens, et c'est ainsi que nous détaillons les versets afin que le chemin des criminels apparaisse clair. Wa qala Allah azawajal, wa laqad ja'nahum bi kitabin fassalnahu ala 'ilmin huda wa rahma liqaumin yu'minun. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Wa qala Allah azawajal, wa hada sirat rabbik mustaqiman qad fassalna al-ayat liqaumin yadhakkarun. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons bien détaillé les versets pour des gens qui se rappellent. Wa qala ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Et il vous a certes détaillé ce qu'il vous a interdit. Donc détaille-nous les choses, détaille-nous tes accusations, détaille-nous les erreurs, détaille-nous les positions, détaille-nous... On ne sait pas où est-ce que tu veux en venir avec ces paroles vagues. Des erreurs, des positions, des ulamas, des questions d'ijtihad. Hein? Tout ça c'est des termes généraux et c'est la façon, donc comme je l'ai cité, et c'est pas mes paroles à moi, c'est les paroles du cheikh que tu prétends imiter ou suivre, et que tu prétends, dont tu prétends prendre les conseils. Et donc il te dit, ce cher-là, cher Rabbi al-Matrali, que cette façon de faire est la façon des gens du Ba'atel, la façon d'opérer des gens des passions et des gens des shubuhat, des ambiguïtés, car ils sont incapables de clarifier leur position avec des adillah, là, et donc ils viennent avec des paroles vagues, on ne sait pas exactement de qui ils accusent et pourquoi ils l'accusent, et on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc dis-nous, pour quelle question d'ijtihad avons-nous dénigré un savant? On sait que tu vises Al-Jabiri par ces paroles. Dis-nous, pour quelle question d'ijtihad avons-nous dénigré Ubayd Al-Jabiri? Est-ce que les élections, ça fait partie des questions d'ijtihad? Autoriser la mixité, faire enlever la sorcellerie par un sorcier, autoriser la bid'a? Cite-nous un exemple. Tu sais très bien que si tu précises, tu n'auras pas les arguments pour défendre Al-Jabiri. Et ça, tu le sais très bien. Que si tu précises, quel est le point que tu nous reproches? Quelle est la question d'ijtihad pour laquelle tu nous reproches d'avoir traité des savants comme des innovateurs? Tu sais très bien que tu n'auras pas les arguments pour défendre cette position. Et tu n'auras pas les arguments pour défendre Al-Jabiri. Et c'est pour cela que tu ne prends pas de risques. Et tu restes vague. Si tu étais véridique dans tes paroles, tu nous citerais des exemples pour que l'auditeur se rende compte par lui-même que ta prétention est vraie et que véritablement nous avons traité des savants comme des innovateurs pour des questions qui parfois, comme tu le dis parfois, sont des questions d'ijtihad. Et admettons que ce soit vraiment des questions d'ijtihad comme tu le dis et comme tu le prétends, nous avons déjà clarifié dans la réfutation précédente que ce ne sont pas toutes les questions d'ijtihad pour lesquelles la personne est excusée. Et nous avons cité la parole de Cheikh Rabia qui a dit dans ses Fatawa, volume 1, page 398, c'est pour cela, je cite, c'est pour cela qu'Ibn Zayd a dit, celui que son ijtihad mène à l'innovation n'est pas excusé. Hein? Et parmi les choses qui ont été reprochées à Ubayd al-Jabiri, c'est le fait d'autoriser la bid'a, d'autoriser le kunut, d'autoriser, par exemple, de faire des doigts en groupe, hein, d'autoriser... De participer au Maulid Nabawi, cette bid'a du Maulid, et d'autres choses dans ce genre, et qui font partie des usuls de cette religion. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas réprimander Mu'ad en lui disant pour quelque chose qui ne rentre pas dans la aqidah comme tu dis, ni dans le minhaj, et pour laquelle Mu'ad, il se peut que Mu'ad avait fait un ijtihad lorsqu'il allongea la prière en récitant surat al-Baqara, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit afattanun anta ya Mu'ad, donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a bien blâmé pour une chose qui se peut qu'il ait fait par ijtihad. Que dis-tu de cela? Ne t'avons-nous pas cité la parole des Hafiz dans la réfutation précédente, la parole des Hafiz dans Fathul Bari, hein, volume 13, page 208, donc qui prouve cela, qui prouve que ce n'est pas dans toutes les... Il n'est pas blâmant, ce n'est pas dans, pour toute question d'ijtihad que la personne est excusée. Et donc il y a des questions d'ijtihad où la personne, si elle se trompe, il est quand même permis de le blâmer. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur cette question, nous avons déjà réfuté ceci dans la réfutation précédente. Et donc, est-ce qu'on doit délaisser ces arguments pour ta philosophie et ton idéologie à toi, ces arguments qui sont prouvés par des hadillas du livre de la Sunna, hein, et par des paroles des imams de la Ummah? Est-ce qu'on doit les délaisser pour prendre la philosophie d'un homme qui est dans un coin perdu du Québec, comme tu le dis toi-même? Je pense que tu as besoin, Ya Suleiman, de quitter ton coin perdu du Québec, comme tu le dis toi-même, et pour venir t'asseoir dans les assises des savants et des toulab al-ilm expérimentés qui t'expliqueront c'est quoi une question d'ijtihad et c'est quoi exactement les masa'il ijtihadiyya, les questions d'ijtihad, car tu es un ignorant, un jahil murakkab, et tu ne sais pas, et en plus tu crois que tu sais. Donc il serait bien pour toi que tu viennes t'asseoir devant des personnes qui sont capables de t'apprendre à discerner, à t'apprendre à savoir qu'est-ce que c'est qu'une question d'ijtihad, qu'est-ce que c'est que les masa'il khilafiyya et les masa'il ijtihadiyya. Hein? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, il a défini les questions d'ijtihad en disant وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْتِهَادِ ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به. Donc Cheikh al-Islam il a défini c'est quoi les questions d'ijtihad en disant la position authentique sur laquelle les imams, ce n'est pas des gens perdus du Québec ou des gens comme moi, hein, ce sont les imams de la Sunna, les imams de cette religion, la position authentique sur laquelle les imams sont est que les questions d'ijtihad sont celles où il n'y a pas une preuve que nous sommes obligés de mettre en application. C'est des questions dans lesquelles il n'y a pas une preuve que nous sommes obligés de mettre en application. Fin de citation. Et une preuve que nous sommes obligés de mettre en application, ceci exclut les preuves que nous ne sommes pas obligés de mettre en application, comme par exemple le hadith authentique dont le sens s'oppose en apparence à un autre hadith authentique. Et donc si les preuves s'oppose en apparence, dans ce cas-là, nous ne sommes pas obligés de mettre un hadith, nous ne sommes pas obligés de mettre ce hadith en application. Et dans ce cas-là, l'ijtihad, il est permis. Et lorsque nous ne sommes pas dans un cas comme celui-ci, nous sommes obligés de mettre en application cette preuve, et l'ijtihad est interdit. Et l'ijtihad, dans ce cas-là, est interdit lorsqu'il y a une preuve claire, authentique, un hadith authentique, une ayah du Coran. Il est interdit de faire l'ijtihad dans ces cas-là. Il est interdit de faire l'ijtihad. C'est pourquoi Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans la cassette intitulée Hukm al-Ulama ala Adnan Arour, il a dit rahimahullah ma kana al-haqq fihi wadihan fal mukhalif mu'anid mustakbir wa ma kana mushtabihan fa huwa mahal ijtihad. Il a dit rahimahullah Ce sur quoi la vérité est claire, celui qui la contredit est un obstiné orgueilleux. Et ce sur quoi ce qui est ambigu, c'est ce sur quoi on fait l'ijtihad. C'est ce sur quoi on fait l'ijtihad. Et donc, il n'est pas permis de faire un ijtihad sur des questions où le haqq est wadih, la vérité elle est claire. Il y a des preuves du livre de la Sunna. Il n'est pas permis dans ces cas-là de faire hein, un ijtihad. Et donc dis-nous, quelle erreur d'Ubayd ou de ceux que tu défends est une question ambiguë dans laquelle il n'y a pas une ou des preuves claires du livre de la Sunna. Dis-nous, sur quelle question nous avons traité un savant comme innovateur alors qu'il n'y a pas de preuves sur cette question, il n'y a pas de preuves claires du livre de la Sunna. Réponds à Sulayman, donne-nous des arguments clairs. فَإِنْ لَمْ يَشْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Et s'ils ne te répondent pas, sache que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. C'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et tu dis des questions d'ijtihad parfois. Dans cet audio, il dit des questions d'ijtihad parfois. Ça veut dire que parfois, ce ne sont pas des questions d'ijtihad. Ça veut dire qu'il reconnaît par cette parole en disant, des fois, c'est des questions d'ijtihad. Et il se comporte mal avec les savants, il traite les savants comme des innovateurs. Et parfois, c'est des questions d'ijtihad. Ça veut dire que parfois, ce ne sont pas des questions d'ijtihad. Et dans le cas où ce n'est pas une question d'ijtihad, c'est quoi le hukm? C'est quoi le hukm dans ce cas-là? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, donc, dans son livre Ibtal Tahlil, en page 159, et ça nous l'avons déjà cité dans la réplique précédente, il rapporte donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'unanimité, l'accord des savants sur l'obligation de blâmer celui qui diverge du livre, de la sunna et de l'unanimité. Il rapporte donc l'ijma sur cette question. L'accord des savants plutôt sur cette question. Et toi tu dis qu'on traite, on va traiter les ulama comme des innovateurs. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, celui qui diverge, et ça nous l'avons déjà cité aussi dans Majmou al-Fatawa, volume 42, page 172, nous l'avons déjà cité dans la réplique précédente, dans la réfutation précédente, nous invitons les auditeurs à y revenir, parce qu'apparemment Souleymane a fait preuve d'orgueil et ne sait pas, et n'a pas lu ses paroles de savant et ses arguments du kitab de la sunna et des paroles des salaf que nous avons ramenées. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah donc il dit, celui qui diverge du livre qui est clair et de la sunna qui est complète ou de ce sur quoi les salaf sont unanimes sans avoir d'excuses valables, celui-là, on agit avec lui comme avec les gens de l'innovation. On agit avec lui comme avec les gens de l'innovation. Voilà pourquoi nous agissons avec des gens comme Al-Jabiri, Ferkos, Al-Wasabi, Al-Imam et autres. Voilà pourquoi nous agissons avec eux comme avec des gens de l'innovation. Parce qu'ils ont contredit des preuves claires du Kitab et de la Sunna et de ce sur quoi les salafs sont unanimes. Mohamed Al-Imam par exemple, le Mohamed surnommé Al-Imam, il contredit Al-Ijma' sur le fait que Al-Rawafid, ce sont des koufars. Al-Rawafid, ce sont des koufars, ce sont des mécréants. Les Rawafid sont des mécréants. Ils contredisent cet ijma. Et Al-Jabri, n'en parlons pas. N'en parlons pas des preuves. Il y a un livre qui est sorti. Malheureusement, nous n'avons pas le temps ni la capacité à l'heure actuelle de traduire beaucoup de ce livre, qui est de 500 pages et qui s'appelle Al-Hujjaj al-Kashifa sur les erreurs d'Ubayd, qui sont des erreurs graves, pour certains, très graves. Et nous invitons donc l'auditeur à revenir à ce livre qui est de Cheikh Youssouf, Al-Jazairi, Hafizahullah. Et donc, ce livre-là est, comme l'a dit Cheikh Mohamed Bajamal, une explication, un commentaire de la parole de notre Cheikh Hafizahullah qui a dit « Ubayd la yasluh il fatwa »« Ubayd n'est pas apte à faire des fatawa ». Et donc, voilà les arguments que nous avançons et voilà ce sur quoi nous sommes. Et nous avons des paroles de salaf, d'imam, qui prouvent des paroles de salaf avec lesquelles nous pouvons argumenter et clarifier notre position. Est-ce qu'on va délaisser la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour prendre la tienne, pour prendre la parole d'un homme perdu dans un coin du Québec, ou prendre les paroles de Foulan et Allan? Voilà le minhaj salafi sur lequel on est, et on ramène des paroles de salaf et des paroles d'imam pour prouver et pour argumenter par rapport à notre position. Tu reconnais donc dans tes paroles que des fois ce ne sont pas pour des questions d'ijtihad, c'est des questions pour lesquelles on peut blâmer la personne et on peut donc agir comme nous agissons. Et donc pourquoi alors dans ce cas-là tu blâmes? Pourquoi dans ce cas-là tu blâmes si tu reconnais que des fois c'est des questions d'ijtihad, ça veut dire des fois c'est pas des questions d'ijtihad. Des fois c'est des questions d'ijtihad, même des questions d'ijtihad parfois. Et dans ce cas-là, si la personne persiste comme fait Ubayd Jabiri et d'autres, comme le font Ubayd Jabiri et d'autres que vous défendez, et dans ce cas-là, quand ils persistent dans l'erreur sur laquelle ils sont, alors qu'on leur a clarifié le haq qui est déjà clair à la base, qui est déjà clair, il n'a que, ce n'est que par manque de science, hein, ce n'est que par manque de science que Ubayd Jabiri est tombé dans ces choses, dans ces fatawa à répétition, un catalogue de fatawa qui sont plus toutes les unes plus risibles que les autres. Vous voyez? Et ceci qui il s'est dévoilé de cette manière flagrante, et l'a dévoilé aux gens qu'il n'a pas la science que les gens lui attribuent, et il n'a pas donc l'enracinement dans la science qui lui permet donc de faire des fatawas qui sont mesurés, des fatawas qui sont justes. Parce qu'on n'a pas vu jusqu'à aujourd'hui quelqu'un affilié à la sunna, à la salafia, faire autant de fatawas ridicules les unes que les autres, comme par exemple le fait de dire à quelqu'un que tu peux faire accoucher une femme, mais il faut que tu baisses le regard. Tu peux faire accoucher une femme, mais il faut que tu baisses le regard. Subhanallah. Et malgré ça, les fanatiques, ils défendent. Taïeb, défendez, mais défendez avec preuve. Défendez avec science et défendez avec preuve. Pour terminer, donc, j'aimerais citer aussi le fait que Al-Jabiri lui-même, hein, le cher que vous défendez, Al-Jabiri lui-même, il dit dans une question qui lui a été posée, dans la cassette Riyanat al-Tamir, il dit, on lui a posé la question suivante, quand est-ce que l'individu sort du minhaj salafi et qu'il est jugé comme non salafi? Il répondit, en résumé, comme cela est présent dans les livres des gens de science, comme il est présent dans les livres des gens de science qu'il sort de la salafia s'il transgresse un seul fondement parmi les fondements des gens de la sunna et que l'argument lui a été établi, mais qu'il refuse de revenir, cela l'exclut de la salafia. Pareil, ne serait-ce que dans les branches, qu'il en transgresse une parmi celles de la religion et qu'il se mette à s'allier ou à rentrer en adversité pour elle, alors cela le sort de la salafia. Et donc voilà, c'est pas mes paroles, ce ne sont pas mes paroles à moi, ce sont les paroles de Ubayd Jabiri lui-même, votre imam que vous prétendez suivre, hein, et pour qui vous vous fanatisez. Lui-même, il le dit, que la personne sort de la salafia lorsqu'il transgresse un seul fondement. Alors, que dire s'il transgresse, il transgresse plusieurs fondements. Et il dit aussi que si l'argument lui a été établi, mais qu'il refuse de revenir, il est exclu de la salafia. Et pareil pour les branches, s'il fait erreur dans plusieurs branches de cette religion, il transgresse une des branches parmi les branches de cette religion, et qu'il se mette à s'allier et à rentrer en adversité pour elle, alors cela le sort de la salafia. Alors que dire, hein, du catalogue d'erreurs d'Ubayd, où il appelle à aller faire sortir la sorcellerie chez le sorcier, il appelle aux élections, il appelle à la mixité, il autorise la mixité, il autorise la bid'a, et ainsi de suite. Hein, et ainsi de suite, et ces erreurs sont nombreuses avec des audios qui ont déjà été diffusés. Et donc, qu'est-ce que les défenseurs, les fanatiques comme Suleyman vont-ils dire concernant ces paroles de leur imam qui lui-même, hein, donne un jugement ferme concernant la personne qui transgresse des fondements de cette religion ou des branches de cette religion nombreuses et qui refuse de revenir? Taïeb. Parce que Suleyman lui-même a reconnu que des fois, ils font des erreurs. Des fois, parfois, des questions d'ishtihad, parfois, ils font des erreurs, et voilà, et il faut corriger, on corrige l'erreur, et ainsi de suite, parmi ces paroles vagues. Et Suleyman, dans cet audio aussi, il dit... Mais bon, pendant longtemps, moi, j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais voulu parler de ces choses-là, parce que beaucoup de ulama avaient conseillé, Cheikh Rabi et d'autres, de ne pas rentrer dans cette fitna, de ne pas parler de ça. Donc, alhamdoulilah, on suit les conseils des ulama. Mais quand les ulama ont commencé à clarifier la situation, puis à expliquer l'état et le cas de Yahya al-Hajouri par la suite, donc, alhamdoulilah, on a pris notre position par rapport à la position des ulama d'Ahlus Sunna et les Salafines. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet? Ça, c'est du kadib. Ça, c'est un mensonge clair. Elle est où cette clarification? Elle est où cette clarification? Et de quel savant? Et comme je l'ai cité précédemment, ça fait partie encore des paroles vagues et générales de Suleyman. Quel savant a clarifié et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que maintenant, toi, tu es un représentant de ce savant parce que tu parles à des gens qui ne comprennent pas l'arabe et tu parles à des gens qui sont francophones et qui ne comprennent pas l'arabe, qui ne peuvent pas comprendre directement ce savant qui, soi-disant, a clarifié. Donc maintenant, ces gens-là à qui tu parles, et à qui tu traduis des livres dans la Aqida et autres en langue française, ces gens-là, il faut que tu leur donnes les arguments qu'ont cités ces savants-là. Il faut que tu les exposes. Tu dis les savants ont clarifié, c'est pour ça que maintenant tu parles. Quel savant a clarifié? Elle est où sa clarification? Chi Arabi a clarifié, on ne sait pas où elle est sa clarification. Par rapport à quoi il a clarifié? Par rapport à quoi il a clarifié? Si ce n'est ses accusations infondées auxquelles Cheikh Yahya il a répondu, sur quoi il a clarifié? Et en plus, c'était dans une assise privée. Et ce n'est pas. Je vais sur le site de Cheikh Rabia, je ne vois rien sur Yahya al-Hajouri. C'est quand même étonnant depuis des années. Alors que vous mettez tous sur vos sites et vous propagez dans des conférences que Haddadiya, il a mis en garde contre Cheikh Yahya. On va sur le site de Cheikh Rabia, il n'y a rien. Donc, elle est où la clarification? C'est qui a clarifié? Ubayd al-Jaberi, il a clarifié où? Dans quel audio? Dans quel. Elles sont où ces preuves? Maintenant, ils accusent de Haddadiya. Elles sont où les preuves de la Haddadiya? Elles sont où les preuves de l'exagération? Et nous, on est capable d'accuser avec preuves. Nous, on est capable de les accuser d'exagération avec preuves. Il y a un malzama du frère Abu Hamza al-Siwari qui est propagé sur le site Al-Uloum et dans lequel il a prouvé l'exagération de Cheikh Rabia. Cheikh Rabia, il dit des paroles, par exemple, sur Ali al-Halabi en disant qu'il est pire que les francs-maçons. Il dit qu'il est pire que les francs-maçons. Alors que Ali al-Halabi, c'est un égaré, mais c'est un musulman. Et les francs-maçons, c'est des koufas. Ça, c'est déjà les exagérations claires. Et ça, c'est prouvé avec des paroles qui sont tirées de ces extraits de ces livres et de ces cassettes. Cheikh Rabi' il dit de Cheikh Al-Fawzan que c'est un munafiq. Il dit de Cheikh Al-Fawzan que c'est un munafiq. Et celui qui a rapporté cette parole, c'est le frère Jumaïda, comme cela est dans ce fascicule qui est disponible sur le site Al-Uloum, qui a été propagé depuis des mois et des mois. Qui a été propagé depuis des mois et des mois, si ce n'est plus d'une année. D'ailleurs, et ces accusations-là, Cheikh Rabi' ne les a ni niées, ni niées ni réfutées. Donc ce frère-là, dont on a cité le nom, qui s'appelle Jumaïda, et il dit qu'il était dans la voiture avec Cheikh Rabi' et que Cheikh Rabi' lui a dit « Cheikh Al-Fawzan, munafiq ». Ça, c'est pas de l'exagération de traiter un grand savant comme Cheikh Al-Fawzan d'hypocrite. Taïeb, nous on est capable. On avance des accusations sur tel ou tel, on est capable de le prouver avec des arguments et des témoignages de personnes tirat. Et la personne elle est là, elle est disponible, elle est capable de s'expliquer. Et Cheikh Rabia jusqu'à aujourd'hui n'a ni nié ni réfuté ces accusations. Donc arrêtez de nous faire perdre notre temps avec des accusations vagues, des paroles vagues comme celle-là. Ramenez-nous des preuves claires, ramenez-nous des témoignages, ramenez-nous quelque chose de valable. Taïeb, Souleymane aussi dans cet audio, il dit que donc on attend de Souleymane qu'il nous dise elle est où cette clarification. Cette clarification, il dit les savants et les salafis. Quel salafi a clarifié? Qui a clarifié? Nous parlons des prêcheurs en langue française. Le seul qui a essayé de trouver des arguments pour nous répondre, c'est Farid de Mecca. C'est le seul qui a essayé de venir avec ce qu'on appelle un rad ilmi, avec quelque chose qui ressemble à une réplique scientifique. Et ensuite, il a compris que ça allait être difficile. Il a disparu. Mais jusqu'à présent, aucun d'entre vous, que ce soit des prêcheurs en langue, que des prêcheurs non arabophones ou des prêcheurs ou des gens de science arabophones, aucun n'a jusqu'à présent pu justifier toutes les accusations qui sont faites injustement à l'encontre de notre cher. Et ensuite, à la fin, Souleymane, donc, il dit, oui, ils ont que ça à faire, ils ont même mis des accusations sur moi sur leur site. Et même maintenant, ils ont mis même des réfutations contre moi sur leur site, là. Donc, c'est pour te dire, non, oui, exactement, non. Donc, c'est pour dire, quelqu'un comme moi qui est à Montréal, dans un coin perdu de oui, c'est ça. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ils ont que ça à faire, comme si quelqu'un qui est dans un coin perdu, comme moi. Et est-ce qu'on a répliqué à un cordonnier de Montréal ou on a répliqué à un plombier de Montréal? Est-ce qu'on a répliqué à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sujet dont on parle? Et déjà, premièrement, il parle comme si on dirait que c'est Cheikh Yahya qui a répliqué sur lui. Celui qui a répliqué sur lui, c'est quelqu'un qui a moins d'audio, de cours audio sur Internet que lui, quelqu'un qui a pas de livre comme lui, quelqu'un qui ne voyage pas ici ou là pour la da'wah comme lui. C'est ceux-là qui lui ont répliqué. Il parle dans cet audio comme si on dirait c'est je ne sais pas quel cher qui lui a répliqué en disant oui, quelqu'un de perdu comme moi, ils ont que ça à faire. Ah mais bien sûr qu'on a que ça à faire. Les rudous d'ilmiya, les répliques scientifiques, ça fait partie de notre religion. Et il y a des paroles sur cela d'imams et des gens de la sunna, de savants. Hein? C'est pas comme tu le dis, ils ont que ça à faire comme si on perdait notre temps. Ça fait partie de la religion, ça fait partie de la science. Hein? C'est pour ça que ça s'appelle rudous d'ilmiya. Hein, des réfutations scientifiques. Parce que ça fait partie de la science, c'est lié à la science et c'est lié à cette religion. Et le Coran, le Karim, il est plein de redout sur les gens du Batel, que ce soit les Mushrikines, hein, les Juifs, hein, et les Nasara, El Majous, ou autres. Taïeb. Donc, le livre, la Sunna, il est plein de répliques sur les gens du Batel. Hein, et les Kutub des ulama de la Salafiyya, min Kadim Zaman, et la Zaman il a Hada. C'est plein de redoutes. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, combien de redoutes il a, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Ibn al-Qayyim, combien de redoutes ils ont? Est-ce qu'ils ont, tu vas dire qu'ils perdaient leur temps avec des gens que ça valait pas la peine qu'ils perdent leur temps, ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Oui, on a que ça à faire. On a que ça à faire de répliquer, de clarifier le haq aux gens. On a que ça à faire de défendre le haq. On a que ça à faire de clarifier vos ambiguïtés. Naam, on a que ça à faire parce que ça fait partie de la défense de la religion d'Allah Azzawajal. Ça fait partie de la jalousie pour la religion d'Allah Azzawajal. Et donc c'est quelque chose auquel nous accordons une grande importance parce que ça a une grande importance. C'est avec ça que c'est avec les roudoud aux gens du Batel que la religion a été préservée. Hein? Et comme a dit un des salafs que l'islam a été préservé par Abu Bakr Siddiq lors de Ridda et par l'imam Ahmed lors de l'Mihna. Hein? L'imam Ahmed, le dîn a été préservé par le fait qu'il réplique sur les gens de la bid'a et qu'ils disent que le Coran est la parole d'Allah incréée. Taïeb. Donc cette façon de dire oui, ils ont que ça à faire, on dirait que c'est de la perte de temps, ça montre bien votre minhaj sur lequel votre minhaj de tamir sur lequel vous êtes. Votre minhaj de tamir sur lequel vous êtes. Et on est étonné que des gens comme toi fassent des audios sur le tamir et parlent d'Ali Hassan al-Halabi alors que vous êtes vous-même dans ce que vous reprochez à ce genre de moumayyin. Taïeb. Et deuxièmement, donc, on a réfuté à quelqu'un qui a un site internet, qui diffuse un grand nombre d'audios, qui a des livres, et ainsi de suite. Et après, il vient et nous dit, oui, quelqu'un qui est dans un coin perdu comme moi, du Québec. Si t'étais encore un plombier ou un homme de la masse du Québec, on aurait sûrement pas perdu notre temps à répondre à tes ambiguïtés et à tes paroles fausses. Mais tu es quelqu'un qui est un prêcheur et tu dois avoir justement, et c'est pour ça que je te conseille, et je terminerai sur cela, je te conseille de craindre Allah Azzawajal, hein, de craindre Allah Azzawajal dans tes propos parce que tu es quelqu'un, hein, qui sera questionné, yawm al-qiyama, parce que tu es quelqu'un qui est écouté et qui est suivi par des personnes. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارَ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection leur propre fardeau, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans science. Combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Donc tu es quelqu'un qui est suivi et qui est écouté par des gens et tu as une responsabilité envers les gens à qui pour qui tu postes des audios sur ton site et pour qui tu te déplaces faire des séminaires ci ou là. Tu as une responsabilité de ne pas égarer ces gens-là et parce que tu risques de porter le poids de leurs mauvaises actions et le poids de ces mauvaises actions qui sont multiples. Parce que lorsque vous attaquez Cheikh Yahya Hafizahullah, vous croyez sûrement que vous attaquez juste la personne d'El Hajouri. Mais sachez que vous attaquez une da'awa salafiya qui a rempli le monde entier de khair. Et il y a des marakiz et des mosquées et des marakiz où on enseigne le kitab et la sunna, le tawhid, le fiqh dans différents pays du monde entier. Il y a des centres en Tanzanie, en Éthiopie, en Indonésie, en Malaisie et dans différents pays du monde entier. Et n'en parlons pas du Yémen et d'autres pays arabes comme l'Algérie, la Libye ou autres. Hein. Ça, cette da'awa est une da'awa qui a propagé beaucoup de bien dans le monde entier. Et donc c'est à elle que vous vous attaquez lorsque vous vous attaquez à Cheikh Yahya. Et c'est à des milliers d'étudiants et prêcheurs que vous vous attaquez. Et donc, est-ce que vous vous rendez compte du poids de vos péchés au Qiyama? de cette diffamation et de ces mensonges envers des milliers de gens à travers le monde entier qui répondent à la salafia et qui appellent au tawhid, qui enseignent aux gens le fiqh, qui enseignent aux enfants des musulmans les bases de cette religion. Est-ce que vous vous rendez compte du poids des péchés que vous portez sur votre dos à cause de votre suivi aveugle de cher un tel et cher un autre? Donc je te conseille à Sulaiman de craindre Allah Azzawajal, car tu nous auras en face de toi Yawm al-Qiyama et tu auras des milliers de gens qui donc étudient avec Cheikh Yahya et qui sont des prêcheurs et qui répandent cette da'wah et qui subissent donc votre injustice avec de telles paroles. Et tu seras seul dans ta tombe et il n'y aura pas ni Cheikh Rabi', ni Cheikh Ubaid, ni Cheikh Fulan lorsque tu seras interrogé par rapport à ces péchés qui sont apparents et des trucs comme on t'a déjà dit de faire la mendicité sur ton site avec le PayPal et des choses qui sont muharrama claires. Il y a des fatawas de savants clairs dessus, mais tu t'obstines et tu t'enfles d'orgueil face à la vérité et tu persistes à faire ces péchés-là de manière apparente. Et je pense que tu connais le jugement de celui qui fait les péchés de manière apparente sans se cacher. Donc il serait mieux pour toi que tu te caches et que tu te taises. Que tu te caches par rapport aux péchés apparents que tu fais sur ton site, comme le fait de mendier avec une tariqa qui comporte du riba, et aussi le fait de diffamer et de calomnier les gens de la sunna dans le monde entier qui suivent le haq et défendent le haq dans cette fitna. Donc je termine sur cela. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.